nous n'aurons autant parlé de nos poumons que l'année qui vient de s'écouler. Pour cause, en pleine pandémie d'infection respiratoire, c'est l'organe touché en premier par le virus SARS-CoV-2. Mais pour autant, même si vous êtes devenu, à n'en pas douter, incollable en récepteur à CE2 des voies respiratoires hautes, en tempête de cytokines et en vaccin à ARN messager, êtes-vous totalement sûr de bien comprendre comment fonctionne l'appareil respiratoire ? Respirer, oui, mais comment, pourquoi, comment ça se passe depuis l'inhalation de l'oxygène dans les poumons jusqu'à l'expiration d'un mélange plus riche en dioxyde de carbone en passant par l'apport d'énergie aux cellules, on fait le point complet sur la mécanique respiratoire. Respiration, inspirer, expirer, c'est le programme aérien qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre, à la respiration du macroscopique pulmonaire, à l'apport d'oxygène dans les cellules jusqu'au rôle des mitochondries, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Similowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service pneumologie, médecine intensive et réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et directeur de l'unité de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique de l'INSERM et Sorbonne Université. Et nous sommes en ligne avec Chantal Raierisson-Semgen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pneumologie au CHU de Bordeaux, présidente de la Société de pneumologie de langue française. Mais pour commencer votre bouffée d'air et d'actualité scientifique fraîche quotidienne, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans Journal of Experimental Medicine qui apporte la preuve, ou plusieurs preuves même précisément, que le SARS-CoV-2 peut infecter les neurones. Une migraine, perte d'odorat, problème de mémoire ou plus sévère, douleur nerveuse, AVC. On voit aussi avec le Covid-19 de nombreux symptômes neurologiques. Une équipe internationale, dont des chercheurs du CNRS et de l'INSERM, montre que ce virus n'attaque pas seulement les poumons, mais aussi le système nerveux central. Les chercheurs ont utilisé trois approches différentes. Premièrement, ils ont testé ce virus sur des organoïdes du cerveau humain, des mini-cerveaux de synthèse. Résultat, le SARS-CoV-2 peut infecter les neurones. Les cellules cérébrales infectées ne sont pas détruites, mais ce sont les cellules voisines qui finissent par mourir par manque d'oxygène. Deuxièmement, on sait que le virus, pour s'infiltrer, utilise la protéine ACE2. Sur des souris génétiquement modifiées, l'équipe montre que cette protéine peut être produite par les neurones. Et enfin, des autopsies de cerveau de patients décédés du Covid-19 révèlent la présence de ce virus dans les neurones corticaux. Alors néanmoins, ces résultats présentent des limites et doivent être confirmés par la suite, hein, puisque ces résultats ne sont que sur des animaux ou sur des modèles in vitro. Et ces résultats, vous pouvez les trouver dans le détail sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc, ainsi que sur notre site franceculture.fr. Et on passe au bref. On parle toujours du coronavirus avec un troisième nouveau variant du SARS-CoV-2 qui a été détecté au Japon, Natacha. Oui, après B117, le variant anglais, après B1351, le variant sud-africain, voici B1128, le variant brésilien. Le ministre de la Santé japonais a déclaré avoir identifié cette troisième souche mutante sur 4 Japonais qui revenaient du Brésil. 33 mutations ont été trouvées, dont 12 sur la protéine Spike. Pour le moment, on ne sait pas à quel point ces mutations pourraient rendre ce virus plus contagieux ou plus grave, mais ces mutations sont similaires à celles que l'on observe déjà sur les deux autres variants. Selon une étude parue dans Nature Communication, pour la première fois, de l'ADN à 4 brins a été observé en action dans des cellules humaines. Et la forme iconique d'une molécule d'ADN, hein, c'est deux brins enroulés ensemble dans une hélice en spirale. Mais il arrive que l'ADN forme une quadruple hélice, ce qu'on appelle un G-quadruplex, un G4. C'est rarissime et on en sait peu de choses. Sauf que les G4 sont plus fréquents dans les cellules cancéreuses et qu'ils tiendraient probablement un rôle dans la formation des tumeurs. Une équipe londonienne a réussi à observer ces étranges anomalies génétiques en pleine interaction avec d'autres composés dans des cellules humaines. Pour cela, les chercheurs ont utilisé la technique du FLIM, la microscopie d'imagerie en temps de vie de fluorescence. Cette étude pourrait permettre de mieux cibler cet étrange ADN. Et enfin, selon une étude parue hier dans Science Advances, la plus ancienne peinture d'art rupestre a été identifiée en Indonésie. Il s'agit d'une fresque vieille de 45 500 ans. Oui, elle représente un beau cochon couleur ocre, ou plus précisément le Sus celebensis, le sanglier des célèbes. On y voit aussi un des mains humaines au-dessus de sa croupe, dessinée au pochoir. Cette fresque a été découverte en 2017 dans une grotte en Sulawesi, et selon cette équipe internationale, elle aurait été peinte par Homo sapiens. La datation par l'uranium-thorium donne une date de au moins 45 500 ans. Ce sont des fragments de calcite qui recouvraient la peinture qui ont été datés. C'est pas la peinture en elle-même. Ce dessin est peut-être beaucoup plus vieux. Ce cochon est désormais la plus ancienne œuvre d'art figurative connue au monde. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine et le journal de la SF. On n'aura jamais autant parlé de nos poumons que depuis le début de cette épidémie d'infection respiratoire, mais sans pour autant on parlait vraiment tout compte fait. C'est pour cela que nous avons voulu nous pencher sur la respiration aujourd'hui, terme générique qui inclut de facto deux fonctions distinctes et complémentaires, la ventilation, le fait d'inspirer de l'air par les poumons, et la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'utilisation de l'oxygène pour aider la cellule à effectuer son travail de conversion énergétique. Et c'est une mécanique étrange, la respiration, quand on y pense. C'est un mouvement réflexe, nous respirons sans avoir besoin d'y penser. Mais c'est un mouvement réflexe que l'on peut forcer, sur lequel on peut influer, contrairement à la digestion ou au rythme cardiaque par exemple, vous ne pouvez pas pousser votre corps à digérer plus vite. Alors que, et vous avez certainement déjà commencé à le faire en écoutant ces mots, vous pouvez prendre conscience, vous concentrer sur votre respiration, la moduler selon votre bon désir, inspirer, expirer, et écoutez donc notre archive du jour sur la définition de la respiration humaine telle qu'on l'entend en 1949 sur la radiodiffusion française dans l'émission Science et Poésie. La respiration est une fonction essentielle de la vie. Elle ne saurait être interrompue chez l'homme plus de 5 minutes sans que la mort s'ensuive. Cet air indispensable, il importe qu'il soit pur et en quantité suffisante. En 24 heures, 10 800 litres d'air passent dans une poitrine humaine. Ainsi, à l'air libre, quelques 10 mètres cubes d'air nous sont nécessaires en une journée. Que l'oxygène manque ou qu'il y ait excès de gaz carbonique, dont nous rejetons quotidiennement 450 litres, et c'est l'asphyxie. Aussi, méfions-nous de l'air confiné, c'est-à-dire de l'air non renouvelé en espace clos. Prenons garde à l'air vicié et laissons faire au vent coulis, qui, par les joints des portes et des fenêtres, assure subrepticement une utile ventilation. C'est le manque d'oxygène, lequel se raréfie au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère, qui provoque, à partir de 3000 mètres d'altitude, le trop célèbre mal des montagnes, analogue au mal des aviateurs, éprouvé toutefois celui-ci à des altitudes supérieures à cause de l'absence de fatigue physique. Bien des gaz vénéneux peuvent, répandus dans l'air, provoquer des accidents graves, voire mortels. L'ennemi numéro un est sans doute l'oxyde de carbone, le terrible oxyde de carbone, qui, à la dose de 1 pour 800, détruit en 30 minutes la moitié des globules rouges du sang. Voilà cette définition de la respiration en 1949, Thomas Similowski. Est-ce que vous avez quelque chose à préciser ou à ajouter, ou finalement est-ce que ce tour d'horizon est assez complet? J'aime bien le vent coulis. C'est d'ailleurs d'actualité pour le Covid. Oui. En fait, il faut commencer par bien être précis sur la sémantique et sur les termes. Quand on dit respiration, on fait une faute de langage en réalité. Quand vous avez dit inspirer, expirer, quand le monsieur de 1949 a parlé, il a décrit des mouvements ventilatoires, c'est-à-dire ce qui fait rentrer l'air dans la poitrine, ce qui le fait sortir. Ça, en termes scientifiques, ça s'appelle la ventilation. Mais en langage courant, on dit respirer, respirer fort, respirer vite. Mais c'est en physiologie, c'est la ventilation. La ventilation, ce n'est qu'un des éléments qui va nous permettre de respirer. Et la respiration, ça se fait, ça a été dit, à l'échelle de la cellule. Et l'analogie qu'on peut faire pour bien comprendre ce que c'est que la respiration, c'est une combustion, en fait. Mmh. On brûle en permanence. On brûle en permanence parce que on a besoin de fabriquer, d'entretenir la cellule, on a besoin de faire des mouvements, on a besoin de faire des mouvements d'ions au travers des membranes. Et pour ça, il faut de l'énergie. Et donc, c'est ça, la respiration. C'est la transformation de sucre en énergie grâce à de l'oxygène. Et donc, pour faire marcher ça, bien sûr, il faut des poumons qui ventilent, qui gonflent, qui dégonflent, ça va amener l'oxygène. Mais il faut aussi des aliments, parce qu'il faut amener le sucre. Il faut aussi de la circulation, parce qu'il faut pomper le sang avec le sucre et l'oxygène jusqu'au tissu. Et puis, il faut aussi que dans le sang, il y ait un transporteur qu'on appelle l'hémoglobine. Et donc, vous pouvez faire toute l'analogie avec la combustion. On part de la forêt et on va jusqu'au foyer de la maison et on va faire brûler du sucre avec de l'oxygène. Donc, si on parle des mouvements respiratoires, de leur contrôle, comme vous l'avez dit, on peut accélérer, etc. Là, on parle en théorie de ventilation. Et si on parle de la production énergétique, on parle de respiration. Chantal Ryerson-Semgen, une réaction à cette archive de 1949 également? Oui, ben je la trouve très intéressante, et en particulier déjà d'emblée avec une fonction essentielle du poumon qui est le contact avec l'environnement, l'extérieur. Et on voit bien que dans cette archive, ben on dit attention à l'air confiné, attention à l'air vicié. Donc on a déjà conscience que la qualité de l'air que l'on va respirer va avoir un impact en fait sur la ventilation et sur le poumon. Donc On va vraiment faire le tour de ces mécanismes ventilatoires puis respiratoires, du macroscopique pulmonaire au microscopique cellulaire. Thomas Similowski, vous avez une autre, outre la bûche qui brûle dans la cheminée, puisque qui rejette aussi d'ailleurs du dioxyde de carbone pour filer la métaphore, vous avez une autre métaphore sur la respiration qui fait appel cette fois-ci à la culture Star Wars. Oui, alors, il y en a plein, hein. Si vous voulez, dans Star Wars, si vous voulez dire que la respiration, la ventilation, celle qu'on entend, ça fait peur, vous écoutez Vador. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Donc, vous avez fait allusion, on a dit on va descendre jusqu'à la mitochondrie. Et donc, ce mécanisme que j'ai décrit de combustion, de production d'énergie, production de déchets aussi, donc le CO2 qui est l'analogue de la fumée dans la cheminée, c'est fait par des petits organismes qui vivent à l'intérieur de nous, mais encore plus à l'intérieur de nous qu'on ne croit, puisqu'ils sont à l'intérieur des cellules, ce qu'on appelle les mitochondries. Et il y a une théorie d'endosymbiose qui postule que les mitochondries sont des bactéries qui ont colonisé des organismes prokaryotes il y a quelques milliards d'années par un phénomène de bénéfices mutuels qui définit la symbiose. Et dans Star Wars, c'est dans l'épisode le 4, de la deuxième trilogie. Le premier de la deuxième trilogie, lorsque on rencontre Anakin pour la première fois et qu'on veut vérifier si c'est bien Jedi, on lui fait un prélèvement sanguin et on compte un organisme dedans qui s'appelle dans le film les médichloriens. Oui. Et il est très puissant parce qu'il a beaucoup de médichloriens. C'est vraiment une métaphore de la respiration cellulaire. C'est ça. Et on sait que chez les fans de Star Wars, cette explication de la force a fait débat, elle a été houleuse. Mais on va l'interrompre ici, c'est demain le vendredi science-fiction. Là, on va parler tout au long de cette heure de la respiration en biologie bien réelle. Et on va en parler, eh bien, on va commencer par la ventilation. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de respiration et de ventilation tout au long de cette heure en compagnie de Thomas Similowski et Chantal Ryerson-Semgen. Alors peut-être qu'on peut commencer, Chantal Ryerson-Semgen, par la ventilation, par un peu de mécanique en fait. Comment ça se passe au niveau pulmonaire, cette mécanique de respiration qui est à la fois, comme je le disais, inconsciente et réflexe, et qui peut en même temps être hijackée, on peut la pirater pour l'accélérer, la réduire, la ralentir et en faire un peu ce qu'on veut finalement? Oui, alors en fait, c'est assez complexe pour un réflexe finalement dont on se rend pas compte, sauf par moment qu'on arrive parfois à maîtriser, et on voit par exemple ceux qui pratiquent du yoga ou de la méditation finalement arriver à essayer de maîtriser finalement cette respiration, cette ventilation. Alors comment ça fonctionne? Ben tout d'abord, il faut qu'on ait un cerveau et des fonctions neurologiques qui fonctionne. En fait, il y a une part neurologique dans le contrôle de la respiration qui est un élément très important. Donc, il faut déjà qu'il y ait un contrôle haut situé qui fonctionne. Et ensuite, il faut également avoir des muscles. Tout à l'heure, on a parlé effectivement du mécanisme, d'une source d'énergie, mais il y a souvent un composant qu'on oublie quand on parle de respiration, sont les muscles. Donc, il faut avoir un diaphragme qui fonctionne. Il faut avoir également des muscles, les muscles intercostaux qui soient présents. Et ensuite, on a effectivement toute une mécanique ventilatoire. Donc, on a, si on parle du macroscopique, donc cette trajectoire trachée et ses bronches, qui vont se diviser jusqu'en bronchioles, hein, terminales. Et au bout de ces bronchioles terminales, ben, vous avez ces petits sacs qu'on appelle des alvéoles. Au niveau des alvéoles que vont se faire les échanges gazeux. On va arriver aux alvéoles. On va vraiment essayer de descendre progressivement pour se concentrer peut-être d'abord sur cette mécanique stricto sensu ventilatoire. Qu'est-ce qui crée la respiration ? Est-ce que ce sont les poumons qui se gonflent ? Est-ce que c'est le diaphragme qui les pousse ? Est-ce que, et je crois que la réponse va dans ce sens-là, est-ce qu'il y a aussi quelque chose finalement de tout à fait mécanique en termes de différence de pression intérieure et extérieure vis-à-vis de l'atmosphère, tout simplement, Chantal Ryerson-Semgen ? Alors, question probablement un peu difficile. Il y a les deux, c'est-à-dire que dans ce que vous avez décrit, il y a à la fois en séquence l'inspiration et l'expiration. On sait que l'inspiration, effectivement, elle est plutôt active, alors que l'expiration, justement, est passive et va plutôt être la conséquence d'une différence de pression. Donc, en fait, ce qui crée la respiration, c'est dans un premier temps, effectivement, vous avez un mouvement très actif où vont être intriqués, bien sûr. On va faire rentrer de l'air dans les poumons hein, à l'aide de ce diaphragme et de ces muscles. On va gonfler les poumons et puis ensuite, dans un second temps, on va avoir un phénomène plutôt réflexe qui va permettre de vider les poumons et encore pas complètement parce qu'il y a toujours une certaine quantité d'air qui restera piégée dans le poumon. Thomas Similowski, sur cette mécanique ventilatoire, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi, je répondrai à votre première question, celle de tout à l'heure, en disant qu'est-ce qui fait qu'on respire ? Mais c'est le cerveau. Et les poumons, c'est très particulier. Donc, on est dans l'ensemble de ce qu'on appelle les fonctions végétatives. Les fonctions végétatives sont des fonctions automatiques qui sont nécessaires à la vie. Et donc, on a cette fonction qui répond, la respiration, ça répond bien, la ventilation, ça répond bien à cette définition. Et ça, c'est le cerveau, le tronc cérébral, donc une partie très primitif, très archaïque du cerveau, quelques centaines de neurones, pas grand-chose, qui sont localisés dans des noyaux qu'on appelle le complexe pré-Bötzinger d'un côté et le noyau parafacial de l'autre. Ce sont des oscillateurs et ils vont générer des impulsions. Ensuite, ces impulsions, comme Chantal le disait, elles sont transmises par des nerfs aux muscles qui se contractent. Les muscles sont liés à la cage thoracique, donc articulation, mouvement. On fait bouger les côtes. Et les poumons, ils sont attachés et ils suivent passivement. Donc les poumons sont des, contrairement au cœur, contrairement aux muscles lisses de l'intestin, contrairement aux muscles lisses de la pupille, les poumons sont passifs, ils n'ont pas d'activité propre. Ils vont simplement suivre un mécanisme qui part du cerveau, qui part du tronc cérébral. Grande différence avec la circulation, si j'arrive à, on va continuer dans le cinéma, Indiana Jones 2, j'arrive à vous enlever le cœur de la poitrine, il va continuer de battre dans ma main. Molaram. Voilà. Je ne peux pas faire ça avec vos poumons. Je suis obligé de faire un truc complexe avec le cerveau. Et ça, c'est cette particularité-là de cette fonction végétative qui va nous permettre plus tard de dire « Ah bah oui, mais là, je peux arrêter de respirer. Là, je peux respirer plus fort. » Donc, la réponse, c'est une impulsion qui vient du cerveau. Et ensuite, on transmet l'information, les muscles se contractent, le poumon suit. Si on cherche quelques chiffres, hein, c'est toujours assez vertigineux. On l'entendait tout à l'heure dans l'archive. Hein, 10 mètres cubes d'air par personne par jour, à peu près. 450 litres de dioxyde de carbone rejeté. Et vous le disiez tout à l'heure, Chantal Ryerson-Semgen, les poumons ne sont jamais totalement vides. On ne peut pas vraiment complètement faire le vide d'air dans les poumons. Non, effectivement, on a beau essayer, il y aura toujours une quantité d'air qui restera piégée dans le poumon hein, pour maintenir les alvéoles assez dilatées, on pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas si le terme exact est vraiment celui-là, mais effectivement, donc la mécanique ventilatoire est bien faite puisque d'une certaine façon, même si on expire à fond, on gardera cette certaine quantité d'air qu'on appelle le volume résiduel, mais peu importe. Oui. Si on descend dans l'appareil respiratoire inférieur, donc on arrive à la trachée, à ce très bel arbre dichotomique que sont les bronches, Thomas Similowski. Alors c'est un arbre, il est dichotomique chez l'humain, il est très joli chez l'humain, il est parfois un peu plus simple dans d'autres espèces. Et en fait c'est un système distributif, c'est un système dans lequel donc du coup on reprend où on en était, nos muscles sont contractés, le volume de la cage thoracique a augmenté, les poumons ont suivi. Du coup, il y a une pression dans la cage thoracique qui est inférieure à la pression atmosphérique, ce qu'on appelle un gradient. Ça rentre. et ça rentre dans un tuyau qui va se diviser petit à petit pour aller distribuer vers les alvéoles. Et ce tuyau qui se divise, il a des propriétés hydrodynamiques, aérodynamiques très très particulières pour essayer de répartir le volume gazeux inspiré partout sur la surface des poumons. Alors il est dichotomique, il est aussi asymétrique, c'est très important de se rendre compte qu'il n'est pas strictement géométrique, justement pour envoyer l'oxygène de façon homogène le plus possible vers les alvéoles. Dichotomique, c'est-à-dire que chaque branche se divise en deux. Chaque branche se divise en deux. Combien de divisions au total ? Ça c'est super sympa ça comme question. Vous prenez l'expert, vous lui posez la question basique du niveau 6e et il hésite à répondre. C'est autour de 23, je pense. Division. Toutes mes excuses, je voulais pas, ça ne se voulait pas être un piège. Un mot sur cet appareil respiratoire inférieur, Chantal Ryerson Semgen. Qu'est-ce qu'on peut en dire jusqu'à arriver aux alvéoles? Effectivement, il y a une sorte de configuration maximisé pour une meilleure répartition effectivement du fluide qui rentre jusqu'aux alvéoles. Alors oui, on présuppose que c'est ça. On présuppose. Après, c'est vrai que tout n'est pas rigoureusement symétrique. Les branches vont bien sûr se diviser jusqu'à avoir un diamètre effectivement très petit et au niveau de ces alvéoles. Mais il y a un autre aspect également, peut-être qu'on abordera un petit peu plus tard, c'est l'intérieur de la trachée et des bronches qui en fait sont tapissées par ce qu'on appelle un épithélium. Donc il va y avoir, outre effectivement ce phénomène anatomique de distribution des fluides gazeux, également d'autres fonctions qui sont liées à une fine membrane ou un épithélium qui va tapisser finalement l'intérieur de ces voies aériennes qui sont très bien faites et qui vont avoir d'autres fonctions, en particulier de défense, du mucus ou des cellules au niveau de cet épithélium. Qu'est-ce qu'on appelle l'asinus pulmonaire, Thomas Milowski? La sinus pulmonaire, c'est l'unité d'échange, c'est ce qui se passe à la fin, et là où on va avoir l'interface entre cet air qui arrive par les divisions bronchiques jusqu'aux alvéoles, et puis finalement, ça sert à rien de faire rentrer d'air dans les poumons si on ne fait pas passer le contenu, ce qui nous intéresse, l'oxygène, vers le sang. Et donc c'est cette unité, la sinus, c'est une unité terminale dans laquelle on va réunir un ensemble d'alvéoles, les vaisseaux qui vont autour, et qui va permettre de faire l'interface et de faire transférer l'oxygène de l'extérieur vers le sang. Et alors justement, c'est le rôle de ces alvéoles pulmonaires dont on dit que si on les répartissait, si on les étalait, si on les mettait à plat, on en aurait quoi, une centaine de mètres carrés, c'est ça ? Oui, on dit un court de tennis souvent. Court de tennis. Bon. Comment ça se passe au niveau de l'alvéole pulmonaire alors ? Alors l'alvéole pulmonaire, donc faut imaginer une petite sphère. Cette sphère, elle est tapissée, comme Chantal l'a dit, par des cellules qui ont des fonctions de production. On en va en parler dans votre reportage tout à l'heure, de production du surfactant. Le surfactant, c'est une espèce de petite couche lipidique, c'est de l'huile qui fait que cette sphère va rester ouverte. Et ça va lui permettre, il y a une tension de surface comme une bulle de savon, exactement comme une bulle de savon, et s'il n'y a pas ça, bah ça se ferme, hein, et ça fait des maladies du syndrome de l'œdème pulmonaire, des atélectasies, etc. Et donc cette petite boule qui est maintenue ouverte, elle est tapissée de cellules, et puis les cellules reposent sur une membrane, et de l'autre côté il y a la symétrique, une autre membrane, et l'endothélium, donc qui est la paroi des vaisseaux cette fois, et on va avoir une petite distance à parcourir pour l'oxygène entre le contenu de la bulle, l'alvéole, et puis le contenu du sang de l'autre côté. Et ça passe par simple diffusion, hein. Il y a plus d'oxygène du côté alvéole que du côté vaisseau, donc là encore c'est un gradient, et donc la molécule d'oxygène va tout simplement diffuser passivement au travers de cet ensemble, donc une couche de cellules de l'alvéole, une membrane, une deuxième membrane, une couche de cellules de l'endothélium. Chantal Ryerson Semgen, du coup, effectivement, comment on va parler un peu de pression partielle, hein, de ce que vient de décrire Thomas Milowski et du fait que l'oxygène passe finalement naturellement par gradient de pression de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait, ces alvéoles, ce sont aussi des portes d'échange à double sens. Il y a une entrée puis une sortie. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au niveau de ces alvéoles, elles ont une fonction tout à fait assez fantastique, qui est à la fois, bien sûr, de pouvoir faire passer l'oxygène dans les capillaires, hein, ce dont vient de parler Thomas, et puis à l'inverse aussi, dans le phénomène d'expiration, de pouvoir récupérer le gaz carbonique et de pouvoir l'expulser au niveau de ces alvéoles, et le gaz carbonique va être expulsé lors de l'expiration. Donc il y a vraiment une double fonction qui est fondamentale, oui. Que deviennent les autres gaz de l'atmosphère, Chantal Rayer-Sensemgène? Parce qu'on parle de l'oxygène, mais on sait que l'oxygène, ça n'est pas la composante principale de l'atmosphère de notre planète, qu'il y a beaucoup de diazote notamment, qu'il y a un peu de dioxyde de carbone aussi. Que deviennent ces autres gaz? Alors, ces autres gaz, on ne sait pas vraiment. A priori, certains peuvent être dissous, mais ça va vraiment dépendre finalement des gradients de pression. C'est vrai que à l'état physiologique, on peut avoir effectivement certains gaz qui peuvent passer, mais en fait, on a fait pas mal d'études, mais là, on parle peut-être dans la pathologie, donc c'est peut-être pas forcément adapté ce que je vais dire, mais par rapport aux polluants, certains polluants gazeux notamment, où on sait effectivement qu'il peut y avoir un passage de certains polluants gazeux dans la circulation. Donc en fait, en fonction des phénomènes de pression partielle, d'autres gaz peuvent passer dans la circulation. Oui. Thomas Similowski, sur les autres gaz de l'atmosphère? Le principal, c'est l'azote, hein, 79% de la composante, et c'est neutre, et il rentre, il sort, c'est un vecteur. Et puis après, s'il y a d'autres gaz dans l'atmosphère, fort heureusement pour nous, il y en a très peu en concentration, mais effectivement, c'est une porte d'entrée. Et pas que les gaz d'ailleurs, hein, dans l'air que vous respirez, vous avez en suspension plein de petites particules solides, microscopiques, toutes petites, qui peuvent aussi passer à travers les alvéoles. On a beaucoup parlé là ces temps-ci de nanoparticules, de leur interdiction dans ceci, dans cela. Les nanoparticules, elles sont suffisamment petites pour passer à travers cette membrane qu'on a décrite et aller partout dans l'organisme. Dans un domaine plus connu et plus médiatique, les fibres d'amiante qui sont respirées dans l'atmosphère, elles sont aussi parfaitement capables de traverser, et c'est pour ça qu'elles vont être pathologiques. C'est le rôle du mucus qui recouvre toute une partie en quantité raisonnable quand tout fonctionne bien, en quantité un peu plus importante quand on attrape des maladies ou des infections respiratoires, de retenir toute une partie de ces polluants ou de ces choses non désirées pour le fonctionnement du corps. Le mucus fait partie de cette défense. On inhale un air qui est rempli de saleté, et on va avoir toute une série d'éléments qui vont faire en sorte que dans le sang, à la fin, on en a le moins possible. Donc la première chose, c'est la complexité du conduit nasal, par exemple. L'air va rentrer, tourbillonner, etc. Donc ça va impacter des particules. Les cils qu'il y a dans le nez, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut respirer par le nez, vont aussi retenir beaucoup de choses. Ensuite, on va rentrer dans les voies aériennes, et là, effectivement, le mucus, ça va coller un certain nombre de particules. Les cellules dont Chantal a parlé tout à l'heure, elles ont des cils qui battent, qui font un espèce de tapis roulant vers le haut, qui vont faire sortir toutes ces particules qui ont été collées. Et puis les particules qui vont arriver jusqu'à l'alvéole, elles vont être prises en charge par des cellules spécialisées qui sont au fond du poumon, qui sont les macrophages alvéolaires, et qui vont venir, qui sont de la famille des globules blancs, la famille des monocytes de façon globale, et qui vont venir capter ces particules et essayer de les détruire. Alors soit ça marche, c'est très bien, après c'est expulsé, on tousse, ou il y a le tapis mucociliaire qui ramène, soit ça marche pas, et là, dans ce cas-là, ça peut traverser, ça peut faire des pathologies. Et donc, vraiment, tout un ensemble de choses qu'il faut se rendre bien compte, hein. On a bien dit 15 000 litres d'air par jour respiré, chargé de microbes, de poussière, d'allergènes, etc., etc. Et donc, un système de nettoyage, un système de protection qui est formidablement efficace. Peut-être un mot, Chantal Rayer-Sensemgène, sur la différence de composition de l'air à l'entrée dans l'alvéole et à la sortie, parce qu'on a tendance à dire on respire de l'oxygène, on rejette du dioxyde de carbone. En fait, on respire de l'oxygène et du dioxyde de carbone, et on rejette de l'oxygène et du dioxyde de carbone, mais en proportions différentes. Oui, effectivement, c'est vrai que on simplifie parce que on sait le phénomène principal, et c'est ce qui permet aussi de faire en sorte que finalement là, sur le plan de la physiologie, l'équilibre acido-basique soit bien respecté. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, oui, on va les deux, l'oxygène et le dioxyde de carbone vont être présents aux deux temps, simplement effectivement en quantité différente. Si tout va bien à l'état physiologique. Après, dans le domaine de la pathologie, où en fonction de sa capacité de défense ou de défense immunitaire, en fonction de ce à quoi on est exposé en termes de polluants, après les choses peuvent être un peu différentes. Thomas Similowski. C'est pour ça que le bouche à bouche pour la réanimation a un sens. parce qu'on va expirer de l'oxygène. Donc on en inspire 21%, on en expire à peu près 15%, mais ces 15% c'est mieux que zéro. Et donc c'est pour ça que la réanimation par bouche à bouche a un sens. On va injecter de l'oxygène dans la personne qui ne respire plus. On inspire 21%, on en expire 15%, ça veut dire que finalement ce mécanisme d'interaction entre l'intérieur et l'extérieur, il n'est pas extrêmement efficient en termes de rendement. C'est pas le meilleur. Alors l'appareil respiratoire des mammifères est pas le meilleur qui existe de ce point de vue du rendement pour deux principales raisons. La première, c'est que il y a ce qu'on appelle un espace mort, c'est-à-dire que le gaz il passe et il repasse par le même tuyau. Et donc ça n'échange pas et ça perd d'efficacité. Et deuxièmement, cette membrane dont on a parlé tout à l'heure, qui va alvéole les quatre couches là, qu'on a mentionnées, elle n'est pas d'une finesse exceptionnelle par rapport à d'autres espèces. Par exemple, les capacités d'extraction de l'oxygène des oiseaux sont bien supérieures à celles des mammifères. Alors, 21%, 15%, ça varie avec l'activité physique. Si on augmente la ventilation des poumons, on va augmenter l'extraction d'oxygène. Une des façons de l'augmenter, c'est faut imaginer que cette paroi de l'alvéole, petite sphère, elle est absorbante. Donc la molécule d'oxygène, elle arrive, et puis dès qu'elle touche la paroi, oups, elle passe dans le sang. Et un des mécanismes de l'augmentation de l'extraction d'oxygène à l'effort, c'est qu'on va envoyer l'oxygène plus loin dans l'alvéole, et elle va toucher plus de surface de paroi, et donc elle va passer mieux. Et du coup, l'oxygène qui sera réexpiré sera diminué, donc plus efficient à l'effort qu'au repos. On vient de parler, non pas de respiration, mais de ventilation, puisqu'on en est jusqu'aux alvéoles, mais dans quelques minutes, on va parler de respiration cellulaire. De Sally à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de respiration, du cycle respiratoire pour être plus précis, des poumons jusqu'aux cellules. Nous en parlons en compagnie de Thomas Similowski, qui est chef du service pneumologie, médecine intensive et réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et directeur de l'unité de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique de l'INSERM et Sorbonne Université, et Chantal Ryerson-Semgen, qui est professeure de pneumologie au CHU de Bordeaux et présidente de la société de pneumologie de langue française. Donc on a parlé de la ventilation, c'est-à-dire de l'aspect mécanique de l'entrée de l'oxygène dans nos poumons jusque dans les alvéoles. On va parler maintenant de respiration cellulaire. Thomas Similowski, une fois que l'oxygène est rentré à l'intérieur, qu'il a passé l'endothélium pulmonaire, que se passe-t-il ? Que devient-il ? Alors cet oxygène, il va falloir qu'il aille atteindre son but, c'est-à-dire les cellules. Pour ça, on a une fonction qui s'appelle la circulation. Donc on a la pompe cardiaque, on a des vaisseaux sanguins qui vont aller distribuer ce sang qui a été oxygéné dans le poumon partout dans l'organisme. Et pour ça, on va mettre l'oxygène dans un petit camion qui s'appelle l'hémoglobine, qui est un transporteur, à la fois transporteur-livreur, et on va emmener cet oxygène jusqu'à la cellule qui va en avoir besoin. Ça, c'est une première filière. Donc on est parti de l'oxygène de l'air, on l'a mis dans le sang, on l'a amené à la porte de la cellule, et il va pouvoir y diffuser librement. Il a diffusé librement à travers l'alvéole pour rentrer dans le sang, il va diffuser librement pour passer du vaisseau à la cellule. Donc là, il rentre dans la cellule est contente, tiens, j'ai de l'oxygène. Et il faut qu'en parallèle, la cellule, elle ait reçu ce qu'on appelle des nutriments. Le principal, c'est le glucose, le sucre, qui va être, lui, amené par aussi par le sang, hein, bien sûr, mais il aura été, lui, mis dans le sang par le système digestif. Et ça, c'est la première chose. On va mettre, donc, en présence dans la cellule, du glucose, c'est notre carburant, et de l'oxygène, c'est notre comburant. Et les deux ensemble, ça va brûler, comme on le disait au début de l'émission. Qu'est-ce qui se passe là? La première chose, c'est que ce glucose va être dégradé, va être oxydé, par un système enzymatique pour donner une molécule qu'on appelle le pyruvate. Et le pyruvate, c'est quelque chose dont, à nouveau, l'oxydation permettra de fabriquer notre essence, notre bois qui fait brûler le feu, qui est l'adénosine triphosphate. L'ATP. ATP. Donc on a de l'ADP, adénosine diphosphate, on va rajouter un phosphate dessus pour faire de l'ATP. Et c'est ça qui fait l'énergie. Et c'est là où on a ce processus dont on a parlé tout à l'heure avec nos petits médicloriens de Star Wars, donc nos mitochondries. Le pyruvate, une fois qu'il est fabriqué dans le cytoplasme de la cellule, qui s'appelle le cytosol, il va être transporté dans la mitochondrie. Ça coûte un peu d'énergie. Donc vous voyez, c'est un processus de fabrication d'énergie, mais il faut en dépenser, bah, c'est toujours pareil. C'est la même chose qu'une voiture ou qu'une combustion dans un foyer. Et dans la mitochondrie, ce pyruvate, il va être pris en charge à nouveau par une série de réactions enzymatiques, ce qu'on appelle le cycle de Krebs en particulier, qui est un système d'oxydation et qui va fabriquer alors du CO2, du déchet, et qui va fabriquer des enzymes qui sont oxydées. Et cette oxydation, c'est une source d'électrons. Et les électrons, c'est de l'énergie. Il y a dans la membrane de la mitochondrie une chaîne de transport d'électrons. On appelle ça les cytochromes, cytochrome P450. Ça va transporter les électrons. Et en transportant les électrons, ça va créer une espèce de flux d'hydrogène, proton. Et ça, c'est de l'énergie. Et grâce à ça, on va pouvoir exporter l'énergie, produire de la chaleur. C'est pour ça que nous avons une certaine température et que nous la maintenons. On en parlait lundi, c'était notre émission parlait de thermorégulation lundi, figurez-vous. Ah, et donc la thermorégulation, c'est contrôler cette chaleur qui est fabriquée par la réaction énergétique, et puis on va utiliser cette énergie pour faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire entretenir la membrane de la cellule, synthétiser des protéines, etc., bouger. Et donc vraiment cette prise en charge, cette respiration, elle est vraiment cellulaire, et je ne veux pas anticiper peut-être trop, mais il faut bien réfléchir à une chose. Dans l'émission de 1949, tout à l'heure, on a entendu le mot asphyxie. Et quand on dit asphyxie, on pense à quelqu'un qui étrangle quelqu'un et qui s'asphyxie. Ça, c'est, on l'a privé de ventilation. L'asphyxie, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est la cellule n'a pas l'oxygène dont elle a besoin, ou, on y reviendra sûrement, elle ne sait pas quoi en faire. Un mot peut-être Chantal Ryerson-Semgen sur cette respiration cellulaire. Donc on est arrivé jusqu'aux mitochondries. On peut peut-être faire rapidement le voyage inverse une fois que ce cycle de Krebs s'est déroulé, qu'on a donné, qu'on a apporté de l'énergie aux cellules. Que se passe-t-il et que se passe-t-il avec les déchets pour revenir vers le circuit ventilatoire? Les déchets, ils vont être aussi finalement resynthétisés en gaz carbonique, et c'est là où finalement l'hémoglobine va jouer un rôle important. Thomas en a parlé tout à l'heure, et donc il faut que cette hémoglobine, en fait, elle soit normale et qu'elle ait une affinité aussi qui soit suffisamment correcte à la fois pour l'oxygène dans le sens aller et à la fois pour le gaz carbonique dans le sens retour. Voilà. Et on comprend du coup si l'hémoglobine ne fonctionne pas bien, s'il y a des anomalies de l'hémoglobine ou si on n'a pas suffisamment de globules rouges, du coup cette fixation dans les deux sens ne va pas se faire correctement. Le deuxième point, peut-être pour compléter, c'est qu'en fait, on comprend bien à travers la description de Thomas que finalement, cet oxygène, il va avoir besoin d'être à cette respiration cellulaire qu'on a décrit depuis tout à l'heure, va être nécessaire pour tous les organes de l'organisme, en fait, du corps, hein, que ce soit le cerveau, le tube digestif, le cœur, les muscles, voilà. Donc c'est vraiment, du coup, si ça ne fonctionne pas, et ben je crois que on va avoir un retentissement qui peut être tout à fait dommageable sur les différents organes. On va arriver justement à différentes pathologies du système respiratoire. Peut-être un mot, Thomas Similowski, sur justement ce chemin retour, ou en tout cas, on voit qu'il y a aussi, en termes évolutifs, on en avait parlé à ce micro et c'est toujours assez fascinant, certaines populations qui ont l'habitude par exemple de vivre en altitude, ou certaines populations qui ont l'habitude de plonger beaucoup, qui vont faire varier notamment leur taux d'hémoglobine pour pouvoir justement optimiser ce processus de respiration cellulaire par rapport au vulgum pecus que nous sommes l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut toujours avoir la quantité d'oxygène dont on a besoin. Donc si vous en manquez pour une raison ou pour une autre, des mécanismes de compensation vont se mettre en place. Ça peut être de façon très rapide, très aiguë. Imaginez que vous vous coupez, vous saignez abondamment, vous avez une hémorragie aiguë, eh bien, vous avez moins d'hémoglobine, moins de sang, le cœur va se mettre à pomper beaucoup plus fort et d'ailleurs, c'est contre-productif parce que vous allez saigner aussi plus fort, mais le réflexe va être de pomper beaucoup plus fort pour amener du sang aux cellules. Ça, c'est sur le très court terme. Sur le très long terme, les gens qui vivent en hypoxie, ce qu'on appelle l'hypoxie d'altitude, eh bien, ils n'ont pas assez d'oxygène et ils vont justement produire des globules rouges. Finalement, pourquoi est-ce qu'on entraîne les sportifs en altitude? Pourquoi on injecte de l'hormone érythropoïétine aux cyclistes? C'est pour faire la même chose, c'est-à-dire augmenter la capacité du sang à mettre de l'oxygène. À tous les cyclistes. Pas tous les cyclistes, pardon, à certains cyclistes qui ne sont pas d'ailleurs toujours au courant de ce qu'on leur injecte. Mais à l'insu de leur plein gré. À l'insu. Ouais. Et ça, c'est aussi important pour nous dans le quotidien. Lorsque notre demande excède notre capacité à oxygéner, on va avoir mal, on va avoir des courbatures. Et ces courbatures, c'est le fruit d'une transformation de la respiration cellulaire aérobie qu'on vient de décrire tout à l'heure en anaérobie. L'anaérobie, quand les mitochondries sont saturées, elles ne peuvent plus fournir, eh bien, on va se contenter de l'oxydation du glucose en pyruvate dans la cellule. C'est beaucoup moins efficient. C'est-à-dire que l'oxydation d'une molécule de glucose par la voie normale, c'est 36 molécules d'ATP. Et par la voie aérobie, c'est 2 molécules d'ATP. C'est 2 molécules d'ATP. Donc c'est beaucoup moins. Et le déchet de la respiration cellulaire normale, c'est le CO2, qui ensuite est dissous dans le sang et qui part dans la ventilation. Tandis que le déchet de l'anaérobie, c'est le lactate. Et ce lactate, il fait mal. Il stimule les fibres nerveuses qui sont dans les muscles, ce qu'on appelle les fibres C, et c'est ça qui va donner les courbatures. Donc lorsque vous avez des courbatures, c'est que vous avez dépassé vos capacités respiratoires, non pas de ventilation en litres par minute, mais d'oxygénation au niveau des mitochondries. Et donc pour faire passer les courbatures plus rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respirer beaucoup? Pour faire passer les courbatures plus rapidement, il faut essayer d'éliminer le lactate et il faut s'hydrater. Donc boire de l'eau. C'est essentiellement ça pour augmenter l'élimination du déchet. On va passer justement au dysfonctionnement du système respiratoire au sens large, pour commencer avec le syndrome de détresse respiratoire aiguë, hein, qui peut se produire dans beaucoup de cas, notamment lorsqu'on a une infection au SARS-CoV-2. Hein, c'est l'un des symptômes du Covid-19 grave. Direction l'Institut Mondor de Recherche Biomédicale à Créteil, où vous êtes rendue, Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour Nicolas, j'ai rencontré Marcel Filoche, physicien et directeur de recherche CNRS à Polytechnique. Et dans cet institut, il développe une modélisation mathématique et numérique permettant d'estimer l'efficacité de cette thérapie de substitution de surfactants. Elle consiste à administrer du surfactant exogène pour permettre de restaurer la fonction respiratoire. Et si elle fonctionne très bien chez le nourrisson, elle est depuis longtemps un échec chez les adultes. Les modélisations de ce chercheur montrent que ces échecs sont dus à la géométrie complexe du poumon. Son travail a permis de mettre au point de nouveaux protocoles d'administration et un essai clinique est actuellement en cours pour soigner le SDRA dans les cas sévères de Covid-19. La thérapie de substitution de surfactants est une thérapie qui est utilisée avec succès chez le nourrisson pour soigner une pathologie qui est une pathologie qui s'appelle le syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né, dans lequel la paroi alvéolo-capillaire n'est plus recouverte d'un produit chimique qui est le surfactant, qui est un produit chimique produit par l'organisme et qui a un rôle essentiel dans notre capacité à faire gonfler et dégonfler notre poumon de façon homogène. Donc pour pallier ce trouble respiratoire énorme, la thérapie qui a été introduite dans les années 80, ça consistait à envoyer du surfactant par la trachée dans le poumon. Ce surfactant est une solution liquide qui se propage le long de toutes les bronches pulmonaires et qui arrive dans la région alvéolaire. Et dans la région alvéolaire, elle va tapisser la membrane alvéolo-capillaire et elle va permettre de restaurer la fonction respiratoire. Fin des années 90, début des années 2000, des équipes essayent la thérapie de substitution de surfactant chez l'adulte. Des premières études semblent montrer qu'il y a une amélioration de la mortalité qui passe de 40%, parce que la mortalité chez l'adulte est extrêmement élevée, c'est 40%, et elle passe à environ à 20%, donc il y a une division par deux. Et puis des études suivantes où on change un tout petit peu les conditions d'administration, enfin de façon qui ont l'air anodine du point de vue médical, donnent quelque chose qui est la plus large de marché. Et la voie thérapeutique a été abandonnée depuis. La question qu'on s'est posée en tant que physicien, c'est est-ce que la thérapie n'a pas marché parce que la condition pathologique est différente et donc le surfactant n'améliore pas la respiration chez le patient atteint de SDRA adulte, ou est-ce que simplement la technique d'administration n'est pas bonne et donc la cible n'est pas atteinte? Comment est-ce que vous avez construit le modèle mathématique? Il est illusoire d'imaginer faire une simulation brute en disant on va résoudre les équations fondamentales de la dynamique des fluides. Donc il faut simplifier, et on a simplifié en regardant quels sont les mécanismes essentiels. Et les mécanismes essentiels, c'est le dépôt sur les parois lorsqu'on a un bouchon liquide qui se propage, et c'est la séparation d'un bouchon liquide quand il passe une bifurcation. C'est ce qu'on voit ici avec une modélisation numérique de l'administration de surfactants exogènes. Donc on a une représentation schématique de l'arbre bronchique avec tous les conduits et certaines couleurs pour déterminer le volume de surfactant qui arrive au bout. Est-ce que vous pouvez le décrire ? Donc là, c'est une simulation numérique de ce qui pourrait très bien être une procédure d'administration chez l'adulte, qui est également la procédure d'administration chez le nouveau-né. On prend une certaine dose de surfactant qu'on dilue dans un volume. Alors ici, il y a trois possibles volumes. Il y a 70 ml, 140 ml, 280 ml. On sépare ce volume en deux doses et on administre ça en deux fois pour le patient couché sur le côté gauche et sur le côté droit. Et puis on regarde, en fonction du volume qui est administré, quelle région du poumon est atteinte. Pour les 70 ml divisés en deux doses de 35 ml, les trois quarts du poumon ne reçoivent rien. Et ce qui reçoit, eh bien, c'est très très faible. Quand on augmente la dose, quand au lieu de passer de 2 fois 35 ml, on passe à 2 fois 70 ml, eh bien là on voit des régions qui n'étaient pas atteintes commencer à être atteintes par du surfactant, à 2 fois 140 ml. Là, quasiment tout le poumon est atteint, et avec une très grande quantité de surfactant. Est-ce qu'un volume aussi important de surfactant exogène est dangereux en fait pour les poumons? Est-ce que ça ne risque pas de les noyer? 200 ml, c'est un volume énorme sur l'arbre trachéobronchique, parce que ça remplit quasiment l'arbre trachéobronchique. Mais une fois que ça atteint la surface alvéolaire fait 100 mètres carrés. Donc ces 200 ml vont se répartir en une couche qui va être une fine couche micronique. Donc on va rétablir une fonction respiratoire et on ne va pas noyer le patient avec cette quantité-là. Il y a des expériences qui ont été faites chez les animaux qui ont permis de valider le modèle, de montrer en particulier qu'il y avait cette structure qui pouvait être extrêmement dissymétrique de l'administration, où des parties entières du poumon étaient atteintes pendant que d'autres ne recevaient aucun surfactant. Donc ça a été fait en simulation numérique et en expérience. En revanche, il n'y a jamais eu d'expérience vraiment menée sur des gros animaux, parce que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. L'émergence de la Covid-19 a permis aussi de faire avancer plus rapidement ces recherches. L'émergence de la Covid-19 a fait qu'on s'est trouvé en situation d'urgence avec des patients atteints de SDRA dans des nombres et des proportions qui étaient sans commune mesure avec les nombres habituels. Et donc, il a fallu essayer des solutions dans l'urgence. Et donc, il y a un essai clinique qui est en cours sur plusieurs hôpitaux pour traiter les patients avec des doses de surfactants beaucoup plus importantes que ce qui était habituellement fait dans les essais qui ont les premiers essais sur l'administration de surfactants pour traiter le SDRA. Et votre modèle et vos modélisations vont permettre aussi d'optimiser ces protocoles ? Ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y avait pas d'administration de type généraliste avec des paramètres universels. Forcément, il fallait mettre en place quelque chose qui était sur mesure pour chaque patient. Et donc, on peut très très bien imaginer que, et ça se fait dans de nombreux autres domaines, hein, en chirurgie, hein, qu'on fera une imagerie d'abord des poumons du patient, et que basé sur cette imagerie, on fera tourner rapidement un modèle et on obtiendra des conditions d'administration sur mesure. Donc ça ouvre à la médecine personnalisée. Absolument, c'est le futur. Voilà ce reportage donc consacré aux surfactants à cette propriété de ce liquide qui se situe dans les alvéoles. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Chantal Ryerson-Semgen ? Oui, ben effectivement, c'est intéressant. C'est vrai que en plus, on sait que ça fonctionne, ça a fonctionné chez les enfants. Donc je pense que Thomas pourrait en parler mieux que moi. C'est vrai que l'évolution de la recherche dans le domaine du SDRA, elle a connu un certain nombre d'hypothèses, de tests thérapeutiques, certains qui ont été concluants, d'autres un peu moins, en fonction de ce qu'on met derrière la physiopathologie, c'est-à-dire que effectivement, quand un patient arrive au stade de SDRA, avec tout ce que ça comporte en milieu de réanimation, intubé, ventilé, la question c'est effectivement à quel stade on en est, c'est quoi le mécanisme inflammatoire et finalement ce cercle vicieux de l'inflammation, et qu'est-ce qu'on peut faire au maximum pour essayer d'améliorer le pronostic de ces patients. Donc le surfactant semble être en tout cas une piste qui a l'air prometteuse. Il faut attendre bien évidemment les résultats de l'étude et puis la publication. Vous disiez, Chantal Ryerson-Semgen, à propos justement de l'épidémie de Covid, que surtout au début, les pneumologues n'avaient pas été vraiment écoutés, notamment dans la prise en charge justement de ces détresses respiratoires sévères par les réanimateurs et les infectiologues qui vous ont pas vraiment entendu, ni sur l'usage des corticostéroïdes, ni sur la ventilation mécanique. Alors, c'est vrai qu'au début, on a eu une situation que vous connaissez, qui a été probablement inégale à l'échelle du territoire, mais il est vrai que finalement, on s'est retrouvé à travailler de façon collaborative avec d'autres collègues, et comme c'était effectivement la gestion de l'insuffisance respiratoire aiguë, on a eu effectivement assez tôt des collègues, surtout dans les zones où il y avait beaucoup de malades qui présentaient ce tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, qui disaient finalement, il semblerait que quand on leur met des corticoïdes, ça améliore. Et c'est vrai que la vision de certains collègues au début, en tout cas, hein, puisque maintenant les choses sont quand même beaucoup plus, on va dire, unifiées, certains collègues pensaient que les antiviraux, finalement, il n'y avait que les antiviraux qui pourraient améliorer la situation, et qui hésitaient à donner des corticoïdes en se disant peut-être qu'on va aggraver la situation et favoriser la multiplication du virus. Voilà, donc c'est rapidement, finalement, tout le monde en est venu à mettre des corticoïdes avec certaines conditions, puisqu'il y a eu un essai clinique qui a été publié. L'autre élément de la prise en charge, en plus de la corticothérapie, c'est bien évidemment l'oxygénothérapie à haut débit, dont tout le monde a entendu parler, humidifiée. Et c'est vrai qu'au tout début, même en discutant avec certains collègues réanimateurs, alors non pneumologues, ils hésitaient effectivement à utiliser cette technique, qui était quand même connue des pneumologues, en se disant il y a probablement un risque d'aérosolisation, il vaut mieux intuber les patients et les trachéotomiser. Et finalement, rapidement, on en est venu à... Bon, bien sûr, il y a malheureusement des patients dont l'état respiratoire nécessite une intubation, mais la gestion, on va dire, pneumologique de l'insuffisance respiratoire aiguë, rapidement, a permis d'améliorer quand même le pronostic de bon nombre de patients. Ah oui, Thomas veut diminuer la mortalité de 50% en réanimation, tout de même, depuis le début de l'épidémie. Oui, Thomas Similowski, sur cette gestion plus générale de la réanimation du Covid. La réanimation du Covid, je n'appelle pas de commentaires particuliers. On a découvert tous en marchant quelque chose de nouveau. Et puis voilà, quand vous marchez en groupe, tout le monde ne marche pas à la même vitesse. Mais à la fin, le groupe avance. Il n'y a pas de commentaires particuliers à faire de ce point de vue-là. Si on continue, on poursuit dans les quelques minutes qui nous restent pour évoquer certains dysfonctionnements de cet appareil respiratoire. Thomas Similowski, vous vouliez évoquer ce qui se passe au niveau cellulaire, c'est-à-dire ce qui se passe quand la respiration cellulaire est dysfonctionnelle, qu'elle est interrompue et qu'elle finit par ne plus fonctionner du tout. Donc en fait, on va revenir à notre histoire respiration-ventilation de tout à l'heure et poumon versus cellule. Et il y a des maladies respiratoires dont on dira peut-être un mot, maladie de la ventilation, si on a le temps, on peut citer des noms, l'asthme, tout le monde connaît, la BPCO, c'est maladie du fumeur. Mais ce que je voulais dire, puisque le thème de l'émission c'est respiration cellulaire, c'est que beaucoup de maladies qui mettent en danger cette oxygénation cellulaire n'ont rien à voir avec les poumons. Par exemple, je vais prendre l'exemple du choc septique, du choc infectieux. Vous avez une bactérie qui prolifère quelque part dans l'organisme, elle va relâcher une toxine, on appelle ça l'endotoxine, et cette toxine va avoir la particularité de bloquer ce mécanisme d'oxydation du glucose dans la mitochondrie, de la chaîne des électrons dont on a parlé. Et du coup, vous allez avoir une cellule qui peut très bien recevoir de l'oxygène. Les poumons sont normaux, ça ventile. Le cœur bat, il y a du sang qui arrive, l'hémoglobine est là, l'oxygène arrive, mais la cellule ne sait pas l'exploiter parce que la toxine vient bloquer ça. Et donc c'est ça, c'est une insuffisance respiratoire au sens cellulaire du terme. Mais ça ne rentrera jamais dans la terminologie insuffisance respiratoire du pneumologue parce que c'est un mécanisme physiologique. Exemple, donc j'ai dit le choc septique, l'intoxication au monoxyde de carbone fait partie de ça. Ça, c'est, cette fois-ci, c'est pas la cellule, c'est le livreur. Vous avez l'hémoglobine qui vient livrer, qui sonne à la porte, mais il n'y a personne pour... on ne peut pas délivrer l'oxygène. Et puis, vous avez l'intoxication au cyanure, qui est connue dans les films d'espionnage. On continue avec le cinéma. Dans les mines, plus généralement, parce qu'on utilise le cyanure... Et donc le cyanure, c'est un bloquant de cette chaîne d'électrons. Et on dit toujours, quand il y a un incendie et qu'il y a des décès dans un incendie, les gens ils meurent pas brûlés, ils meurent pas étouffés parce qu'il y a de la fumée qui bloque les poumons, ils meurent parce que dans la combustion, il y a du cyanure, et ça a bloqué la cellule, et ça a fait une insuffisance respiratoire cellulaire. C'est pour ça que les pompiers injectent de la vitamine B12, qui vient capter le cyanure et refaire redémarrer la respiration cellulaire. Le cœur est normal, les poumons sont normaux, la cellule était bloquée. Pour conclure un dernier mot, c'est vrai, Chantal Ryerson-Semgen, vous disiez, on mesure finalement pas assez nos capacités respiratoires. Il faudrait s'intéresser plus dans des parcours de soins classiques au long de la vie à notre souffle, à notre capacité pulmonaire, faire des spirométries. Oui, effectivement, la respiration, finalement, on en a beaucoup parlé, vous l'avez dit en introduction dans votre émission, au travers de cette épidémie, quand la maladie, finalement, est déjà là. Et en fait, il faudrait pouvoir parler de la respiration et de ses capacités respiratoires avant d'être malade, dans le domaine de la prévention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse, chacun puisse mesurer son souffle. Après tout, on est quand même dans un monde où chacun connaît son poids, sa taille, sa tension artérielle, même certaines personnes connaissent bien leur glycémie, donc on pourrait se dire qu'il faudrait apprendre à ce que chaque citoyen puisse avoir une mesure de son souffle à un moment donné pour connaître ses capacités respiratoires. Et voilà, intéressez-vous à vos poumons, ils vous le rendront bien. Merci beaucoup à tous les deux, merci Thomas Similowski, merci Chantal Ryerson-Semgen d'être venu nous parler de l'appareil respiratoire. Je vous précise que d'ici quelques semaines, on consacrera certainement une émission à l'asthme en particulier, qui est une pathologie très répandue, que l'on connaît de mieux en mieux et qui est une pathologie assez intéressante à explorer. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandre Morales, Alexandra Delbo, Eve Etienne, Céline Lozen, Minagat Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Youtou Diego Hack Lopez à la technique. Demain, c'est un vendredi, fiction comme tous les 15 jours, on pourra peut-être remplacer vos poumons organiques un jour par des poumons cybernétiques, on peut le faire avec le cœur, pourquoi pas les poumons, voire vos bras, peut-être votre jambe, pour courir plus vite, vos yeux équipés de caméras infrarouges ou thermiques. Mais attention, à quel moment risquez-vous de perdre votre humanité si la majorité de votre corps et de vos organes sont cybernétiques? C'est la question au centre du genre cyberpunk et du jeu vidéo Cyberpunk 2077. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.